genoux, monte sur la lande. Venu de l'ouest, au petit jour, il roule et se répand. Battu par le vent, les pins se penchent, pleurent sous la pluie, pleurent sans le moindre bruit. Les vagues brûlées des cuves blanches se dressent en furie pour mourir sur les rochers. Grises et blanches, les maisons du bout dressent leur façade au doux soleil qui rend au jour ses couleurs de parade. Usée par le temps, la grande église sonne, mais pour qui? Sonne sans le moindre bruit. Loin, le port à marée basse range ses filets. La criée est terminée. Finistère, là où finit la terre, des rivages sont de tous mes voyages. Où que j'aille, de Brest en Cornouaille, citadelle entre l'eau et le ciel. Finistère, ton fichu caractère, tes légendes, le mystère de ta langue, les lumières qui conduisent sur la mer, les bateaux entre le ciel et l'eau. Entre le ciel.